j'ai laissé quelques mots griffonnés et tachés que j'aimerais oublier, oublier, l'oublier. Si sur ce coin de papier tu laissais une larme dorée, un baiser, saurais-tu t'en aller, échapper? L'amour n'est plus une chimère, le blizzard rentre mes artères, le diable m'emporte dans ses douceurs, tant pis si c'est ma dernière heure. J'ai rangé tout de toi, mes idées, mon passé, que j'aimerais oublier, oublier, l'oublier. Et si au fond de ces pensées tu laissais une larme dorée, un baiser, saurais-tu t'en aller, t'en aller, t'en aller? L'amour n'est plus une chimère, le blizzard honte mes artères, le diable m'emporte dans ses douceurs, tant pis si c'est ma dernière heure. J'ai rempli des cahiers à citer tout le mal que j'ai fait et caché. Ce n'est pas pour pardonner, pardonner, oublier. Et si tu brûlais ces cahiers à mes pieds, ils seraient mon bûcher, mon bourbier. Pourrais-tu sans pleurer, t'en aller? Que je cherchais un mystère, le froid, la peur et la misère, le diable m'emporte dans ses douceurs, l'enfer ne sera pas la terreur. La mort n'est plus une chimère, le blizzard hante mes artères, le diable m'emporte dans ses douceurs, ici c'est ma dernière heure. Si dans le coin d'un grenier j'ai laissé une corde nouée attachée, c'est pour ne plus regretter tes